في المطعم. سيدي بعض الملح من فضلك. Maître, du sel s'il vous plaît. ها هو سيدي. Voilà monsieur. بما ترغب السيدة. Que désire madame? فنجان شاي لو سمحت. Une tasse de thé s'il vous plaît. ها هو. Voilà. شكرا. Merci. أرجوك سيدتي. De rien madame. ما هو الصحن اليومي لهذا اليوم؟ Quel est votre plat du jour aujourd'hui? سلطة مع صلصتها ولحم مشوي. De la salade avec sa sauce et de la viande grillée. والحلوى هذا. Et le dessert, ça? نعم ويوجد كعك. يوجد فواكه وفطيرة مقدمة مع زبدتها. هنيئا. Oui, il y a du gâteau, des fruits et de la tarte servie avec de la crème. Bon appétit. المجموع لو سمحت. La facture, je vous prie.